aujourd'hui, le lundi 13 mai 2019. Monte le volume et hume la différence quand c'est parti, mon kiki! Joanne, c'est une nouvelle stagiaire, Joanne. Tu me le dis à 5 secondes avant le début du véritable générique. Le véritable générique, c'est quand tu entends l'entrée en matière Elvis Presley. Pardon? Elvis Presley. Tu connais pas Elvis Presley? Le chanteur et le pseudo-comédien Elvis Presley. Voyons. Love me tender. Elvis. Elvis Presley. Ça dit rien. And now the end is near. I have a, and so I face. I have a. I'm so much nervous. I see it clear, I stain my gaze, oh, which I'm sudden, I know. On dirait le vrai. Tirez vos souvettes. Et sauvez-vous. Voyons, ma petite chérie. Elvis, le seul Elvis. Bon, on connaît Elvis Costello. Elvis Presley. Connais-tu Elvis Presley? Non, moi non plus. Ah! OK, on recommence. Là. Sérieusement, quand tu vas comprendre qu'à travers le générique, il y a deux musiques qui s'entrecroisent, qui s'embrassent, qui se font des beaux câlins, ben quand ce sera le deuxième qui enchaînera, donc lorsque le premier embrassera de sa bouche musicale la deuxième thématique sonore, tu me fais signe. C'est trop compliqué, t'as rien compris. Bon, c'est bien être stagiaire. Là. Est-ce que tu peux me dire ta formation académique avant? Donc, je sais même pas si tu vas rester à cette émission parce que, de un, là, ici, là, t'es dans la sommité de la radiodiffusion. Errance Rénadienne, c'est coté. Puis je veux pas non plus là, perdre des plumes à cause d'une amateur ou d'une personne qui n'a pas de connaissance générale. Elle a préféré, je sais pas, là, se pivarder à droite et à gauche et ne pas se retrouver devant des livres, des bouquins, des vidéos, des CD, des DVD, des Blu-ray pour en connaître davantage sur tout ce qui est artistique. C'est important, là. Étudier en communication. Ah. Étudier dans le sens d'aller à l'école dans une université quelconque. Quelle université? Oh, c'est très quelconque, effectivement. Ouais. C'est pas moi qui t'a rencontré la première fois là, pour occuper le merveilleux poste que tout le monde chérit en passant. Là. Ah, t'as pas passé aucun... Ah, c'est ta belle-sœur qui... Ah, ça, là, le bouche-à-oreille, c'est très mauvais pour mon émission. Ben, en fait, pas pour dire... Hey, écoute ça, c'est pété, Errance Rénadienne, hein? Tu comprendras même plus à un moment donné. Les hamsters tournent dans tous les sens et la compréhension devient presque inaudible. Rien compréhensible. Mais là, si c'est quelqu'un qui t'a soumis le projet de venir travailler ici... Bon, écoute, là, je te demande simplement de t'en aller dans l'autre pièce, de t'installer, d'écouter vraiment comment on fait de la radio professionnelle avec un animateur hors pair. Bon, ben, c'est moi, c'est l'animateur hors pair. Regarde pas autour de toi, là, il n'y en a pas d'autre. C'est le grand élite, le grand tout azimut, celui qui te parle actuellement. Bon, comment ça, j'ai la tête enflée? Hé, ma petite polissonne! T'as-tu gradué? As-tu fait tes écoles? C'est le tas, ouais, on sait quel tas. Parle le générique, Gaétan. Je te dis, moi, ces jeunes-là, ils veulent travailler, ça connaît rien. Aujourd'hui, déjà là, dans mon oreillette, tu dois m'avertir. La journée. Mais c'est normal que je ne sois pas au courant de ça. Moi, je suis un créateur, là. Je ne suis pas collé sur Terre. C'est pour ça que ça donne des émissions extraordinaires. Donc, à l'oreillette, tu dis 13 mai. Tu n'oublies pas le lundi, OK? Mais là, recule. Sors de ce studio. Va dans le sofa, dans le petit salon privé. Écoute l'émission, ça vaut, tu peux rire aussi, c'est gratuit, ça vaut ce que ça vaut. Alors, on y va, merci. OK, part de générique, mon champion. OK, part de générique, mon champion. Excusez-moi, c'est parce que je t'ai pas pris encore. Ouais, je sais que ça laissait désirer là, comme animation. Puis, tiens, quand on dit qu'on n'a pas le choix, on l'a le choix, mais vous, c'est vrai que vous n'en avez pas. Puis, c'est pas parce que votre bouton pour syntoniser une autre chaîne ne fonctionne plus que vous êtes obligé de m'endurer comme ça. Alors, à partir de... Excusez-moi. Un petit moment d'émotion. Alors, à partir... Pardon? Ouais, mais c'est des rires aux larmes, hein? Rire aux larmes. Mais non, on va s'aiguiller. On va repartir du bon pied. Vous allez voir, ça risque de fonctionner. Ar à la caisse. La connaissez-vous, cette expression-là? Ar à la caisse. J'ai bien peur que non, parce que je viens de l'inventer. Ah, non, oui, OK, on recommence. Vas-y, mon petit champion. Travaille fort. Aujourd'hui, le lundi 29 avril 2019, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! And when you said that you J'adore cette fille. Qui est-elle? Vous le savez sans doute. Water Nova. Et j'ai appris en faisant une petite recherche durant cette chanson qu'elle a mon âge. Elle est toute jeune, toute fraîche, toute belle. Sinon, comment ça va à la maison? Mois de mai. Ah, on en perd-tu du temps à parler de temps? C'est vrai. On est toujours en train de discourir sur un thème vieux comme le monde, autant que l'amant. Il y a l'amour, il y a le temps. Il y a malheureusement l'argent. On parle-tu d'argent? Ah, sainte... Il n'y a pas d'intérêt à parler d'argent. Beaucoup plus d'amour, quand même. D'eau fraîche. Mais l'argent. Et de parler de temps. Genre, j'ai pas le temps. Ça passe vite, ça passe vite. Oh! Nous sommes déjà rendus à lundi. La fin de semaine a passé comme un coup de vent. Surtout le mois de mai, hein, il commence à faire beau. Oh! Une beauté, là, le gazon pousse, les arbres explosent, les fleurs également, les allergies sont de bons augures, on pleure de partout, les yeux, le nez, les oreilles nous bouchent, c'est merveilleux, on appelle ça le printemps. De plus en plus, il y a des gens qui ont des allergies intenses. Moi, imaginez-vous, parce que si vous en avez de l'imagination, là. Vous êtes assez KRS, c'est pas pour rien, vous êtes l'imaginaire collé au plafond. Un signe. Moi, là, avant de parler avec quelqu'un, tu lui demandes deux choses. Première chose, pour être poli, ça va? Ça va? Tu dis pas comment ça va, tu dis ça parce que ça glisse quand tu dis ça va. Ça fait cool, ça fait pas. Comment ça va? Parce que là, elle va te répondre comme si, comme si, comme si, comme ça. Mais si tu dis « ça va », il y a comme une ouverture vers la discussion, vers l'autre. Donc, hein, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas le « comment ». Tu sais, ça coupe le « tu te sens comme agressé. « Comment ça va ?»« Comment ça va ?» Arrête ! En disant « ça va ?» Ça glisse. C'est comme du miel qui coule. Tu vois lentement la lignée mielleuse. Ça va? Et l'autre est torqué. Oui, arrête-toi. Plus ça ronronne, plus c'est de ton côté. Moi, oui, pas de problème. Tout va bien. J'essaie de me préserver de tous les troubles que la société peut nous envoyer, hein, les messages troubles. Et ce qui me paraît essentiel également, là, c'est tout ce qui est médiatique là, et le côté un peu trouble, brouillon ou ombrageux. Qui pourrait quand même modifier mon humeur et ma création intellectuelle. Quoique ma création intellectuelle va très bien. Et là, l'autre est... Ouais, tu te prends pas pour de la chenoute? De la chenoute. Qu'est-ce que la chenoute? Chenoute. Oui, exact. Peux-tu me dire ta signification? Parce que c'est pas la signification. Chnout, c'est même pas un mot. C'est peut-être ça peut faire partie, Madame Tremblay, des québécismes. Chnout. Ça vaut pas de la chnout? Ouais. C'est pas bon, mais pourquoi? Il y a tellement de québécismes. Voulez-vous que je vous en sorte quelques-uns? Oui? Vous aimeriez? Ben voyons donc, vous êtes bien curieuse, vous! C'est votre mari qui vous a rendu de même. Parce qu'au départ, moi, quand je vous ai connu en 78, vous étiez loin d'être aussi à la recherche de... OK. Non, parce que vous voulez vous éloigner de... Bon. Mais des québécismes, il y en a, il y en a, il y en a. Puis on peut même... On va regarder ça. Je pense qu'on a fait ça à la première émission de l'année. Québécisme. Québécisme. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un cabécisme, c'est tout simplement est un régionalisme caractérisé du français québécois. Historiquement, on a aussi parlé indirectement de... Oh non, ça, j'ose pas le dire. Ouais, le cabécisme. Alors, on va trouver quelques cabécismes pour le plaisir de nous faire plaisir. Alors, allons-y. Êtes-vous prêt, madame? Oui? On peut vous en nommer quelques. Avons-nous le droit? Vous savez quoi? Ici, on s'octroie le droit. OK? On y va. Oui. Je suis prêt. Eh, mon Dieu, c'est bien compliqué, ça. Ah oui, achalé. Achalé. Je me fais achaler par ma belle-femme, ma belle-femme, ma belle-mère. Elle veut tout le temps avoir de l'argent. Elle m'achale. Achalé, c'est harceler. Je trouve que c'est un beau cabécisme. Il y en a un autre, c'est avant-midi. Avant-midi, c'est la matinée ou le matin. Ça, tout le monde le savait, c'est pas compliqué. Bande de neige, bien ça, c'est des rabelais de neige. Le rabelais de neige tombe dans ma vallée. Le rabelais de neige. Est-ce que ça a un lien avec Rabelais? Excusez. Est-ce que ça a un lien avec Rabelais, madame? Vous connaissez pas Rabelais? Bon. Oh non, vous avez le droit de pas connaître. Je suis coincé dans mon fil, bon. Et puis, il y a beigne. Beigne. Terme québécois pour l'anglais, dougnout. Dougnout. Mangez-vous du gougnout? Au Québec, il y a une distinction entre un beigne et un beignet. Ne pas confondre avec beigne, une gifle. Hein? Il m'a donné une beigne. Hein? J'ai senti le trou, là. Hein? Il était garni à la costarde. Ça va chercher dans les 2 ans de prison. Et puis au féminin, qui n'est pas utilisé au Québec. Ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là. On commence à s'emmerder un peu. Oh, une blonde. Ah, moi, j'ai une blonde. Une blonde, c'est une... Vous le savez? Non, je suis en train de... C'est une petite amie. Même si elle n'est pas blonde, c'est une blonde. La tienne est jaunâtre. Oui, mais c'est parce qu'elle est une fumeuse. Hein? Elle fume. Moi, là, je te dis que le jour où elle va arrêter ses 8 paquets de cigarettes, là, parce que c'est 25 cigarettes par paquet. Ça, t'as-tu compté rapidement, là? Ça fait 200 cigarettes par jour. Elle ne peut plus travailler, là. Elle, son addiction, là, c'est d'allumer, puis d'allumer, puis d'allumer, puis d'allumer, puis d'allumer, puis d'allumer, puis d'allumer. Puis quand elle bouge, là, elle boucane. Puis elle boucane ça, même si elle ne fume plus, elle boucane, elle boucane, elle boucane. Elle va dans un établissement, c'est elle qui sent à des... elle sent là, à des kilomètres à la ronde. Elle est d'une joie, elle a jaunisse, elle est nicotineuse. Elle a le nicotinus très avancé, hein. Eh, hey, monsieur, les doigts, là, il y a comme une genre de corne jaune qui ne peut plus s'en aller. Puis, ouais, ben là, elle a vieilli, elle est rentrée à 71 ans, puis elle fume autant ses 200 cigarettes par jour, là. Elle a les beaux cheveux jaunes. Ah, son coiffeur, là, c'est. Il va même plus. Elle veut plus. La coiffeuse, parce que c'est pas un coiffeur, excusez-moi. La coiffeuse veut même plus la voir dans son établissement. Elle lui a dit. Mon ami, ça c'est pour rester gentil. Hein. Mon ami, j'irai chez toi plutôt. Là, elle était comme offusquée. Hein, la madame, elle a dit pourquoi? Mais elle a dit, on va parler franc. Là. Tu sens même trop la cigarette. Quand tu es parti de mon salon, ça reste pendant 2-3 jours. On est obligé de repeinturer à grandeur, de laver toutes les peignes, les séchoirs. Puis on sait très bien que laver un séchoir, comme le disait Claude François, c'est-tu Claude François, oui, c'est électrisant. Tu te bouscules, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Claude François, le connais-tu? Avec les Françoisnettes, les danseuses, les Françoisnettes, ou les Lérettes, non, les Françettes. C'est les Françettes. T'as connais-tu, madame, ouais, comme d'habitude? Alors, j'ai dit Claude François. On va, je suis sûr que c'est... mais c'est juste pour vérifier. En anglais, c'est « my way », hein? Ben oui, on n'arrête pas le progrès, c'est merveilleux. Alors, comme d'habitude, là, vous êtes là devant votre radio et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu redire, dit-il, avec beaucoup de... Tu sais, c'est long avant qu'il ne se passe rien ce soir. Non, non, c'est parce que je fais des recherches, c'est rare, là, mais c'est comme d'habitude, oui, de Claude François. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. On dirait Charles Aznavour. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me donnes, non, tu me tournes le dos comme d'habitude. Y a-tu le micro hein, pour le plancher? Vous n'avez pas de micro de plancher, vous? Ben voyons, non, y a pas de fil aussi. Ah, ben oui. Le fil est parti où? En tout cas, peu importe. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre. Comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, oui bébé. Sans bruit, je quitte la maison, tout écrit d'or, comme d'habitude. Ça sent la dépression, hein? J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Tu seras sorti, oui, tu seras sorti, et pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Des larmes, mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, j'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, wow, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, on appelle ça une vie quotidienne, une vie sans relief, quelque chose qui est très routinier. Bref, ça sent le Kramer versus Kramer. Avec Dustin Hoffman. On oublie toujours l'autre qui jouait avec Dustin Hoffman. Kramer versus... Puis le petit garçon, on ne se souvient pas de son nom. L'autre, la dame, c'est... c'est pas Streep. C'est Streep, hein? Mais de son prénom, Kramer versus Kramer. Vous voulez... Oui, vous savez, vous, hein? Kramer versus Kramer. Ça, c'est dans les années 80. Thank you. Aujourd'hui est incroyable. C'est incroyable, mais avec cette émission aussi, dans le cadre de cette émission RS Rénaldienne, tout est possible. La preuve. On est en pleine preuve, Madame Tremblay. Nous avons les deux pieds dedans. On ne peut rien revendiquer. Ça se passe ici, maintenant, à cet instant précis. Assez clair. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Ouais. C'est en plein ça. Merci. Vous êtes indulgente, vous, hein? Ben oui, après 18 enfants, si on n'est pas indulgent, le petit dernier qui a la morvaudée, l'avant-dernier qui s'est malheureux. Ouais, c'est ça. Ben oui, il n'a pas passé ça. Écoutez. Échouer sa maternelle, c'est déjà se préparer à la vie difficile qui l'attend. Bon. Prenez toutes vos difficultés comme exactement un chemin de vie. Vous avez tout à fait raison. Hey, vous êtes sage, vous. Tout le Québec, même, je crois, toute la francophonie vous envie. Pourquoi pas les autres? Ben, vous ne comprenez pas. Déjà là, votre langue française est passablement québécoise. Des québécismes à volonté, une recherche du mot régulièrement. Si on ne vous souffre pas, ça ne sort pas. Ça fait bizarre ce que je viens de dire là. Si on ne vous souffre pas, ça ne sort pas, mais c'est vrai. Vous avez toujours le mot sur le bord de la langue. Tu sais, sur le bord de la langue, tu ne sais plus, là, hein, c'est ça, là, tu as de la difficulté là-dedans, madame, là, c'est tout simple. Non, moi, écoutez, j'ai déjà une petite formation. C'est un manque de vocabulaire. Je vous conseille des bonnes lectures, là. Bon, trois écrivains rapides comme ça, histoire de vous donner le plaisir de lire. Ben, le plus populiste, Michel Tremblay, François Sagan. Puis si vous voulez peaufiner le tout, sortir des sentiers battus, puis aller chercher autre chose, une écriture très, très intéressante. Mais il y a Rob Grillet aussi, mais Marguerite Duras le fait très bien. Bon, les amants, le tannant, non, là, c'est pas Duras, c'est le tannant, je le connais. Je connais l'émission, les tannants. L'emmerdeur, ça, c'est moi. Puis c'est aussi un film avec Jacques Brel. Bon, mais il n'en est pas question à cette émission aussi, là. Parce qu'on se consacre à quelqu'un d'exceptionnel. La deuxième partie est la fin. Donc, je vais appeler mes pleureuses dans quelques minutes, puis on va en pleurer un petit coup, là. Est-ce que les pleureuses sont pas là? Ben voyons donc. Je serai seule. À pleurer. Oh mon Dieu. Je vais allonger toutes mes larmes. Oh, aujourd'hui, le lundi 29 avril 2019. C'est-tu beau? Est-ce que c'est beau les pleurs, mais ma sonorité, la tristesse? Ouais, ça, ben, c'est quand tu parles un petit peu, hein, le petit cœur fait 3-4 tours, puis il retombe sur son petit piquant de cœur. Oh, un petit piquant de cœur. Ben oui, il y a les deux demi-boules, puis la tige qui fait le petit piquant de cœur. C'est comme ça que je l'appelle, moi, le piquant de cœur. OK. Piquant de cœur. Ah non, on a déjà commencé. Oui, oui. Non. Oh, je tiens à vous dire que nous sommes lundi toujours, et puis le 29, mais ben là, c'est là. L'errance. Les errances rénaldiennes plaisantes. Pourquoi vous tombez à terre comme ça? Souffrez-vous d'aluminium aigu? On va vous emballer, aimeriez-vous ça finir dans le four? Pas d'oignon, OK, parce que ça vous fait pleurer, bien, ça serait bien, parce que ça vous éviterait de brûler les larmes, là, sur votre corps. Ça pourrait remplacer le beurre. Puis lorsqu'on va vous déballer, dans le papier d'alubidub, on va vous découvrir. Puis comme ça, bien, vous allez être plus fraîche, moins sec. En un mot, plus juteuse. Aujourd'hui, le lundi 29 avril. Oh, hein, quand j'ai dit vous seriez plus juteuse, là, non, mettez-en pas trop de larmes. Là. Oh. 29 avril 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la dernière fois ce soir autour de Martha Jonville-Pile. Une belle rencontre qui a débuté la semaine dernière. Et maintenant, nous vous proposons la suite de la fuite. Bonne émission! If y'all feel that it's real, I'm on trial, and I'm here again, your prison. Like a coin in your mint. I am tempted and I'm spared with hot treason. Through a glass eye of throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me to the tamer. Take me to the pilot. Thank you. the chain, take me to the pilot. I'm all a stranger, take me to the pilot. Leave me to the chain, take me to the pilot. I'm all a stranger. Took my love away. I swear I thought I heard my own heart whispering its dying words. 'Cause it's a hard line that you take a lifetime. Choose to take it. The day I let our love die, I stood by it until its last sigh, and disappeared from the scene of the crime. Locked away to serve my time. 'Cause it's a hard à Notre-Dame-des-Landes, pourquoi en fait ces gens dérangent absolument les États. Mais suite à ça, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se coller à vous, devenir des militants et vous suivre un peu comme... Je sais pas, parce que je vais faire ça lundi. Donc, ok, mais ça s'est jamais fait avant, tu l'as jamais fait. Non, c'est vraiment, okay. Là c'est un travail que je commence. Est-ce que tu t'attends à quelque chose ou tu t'attends... Non, je m'attends à rien. Et t'es jamais déçu, c'est pour ça, quand tu t'attends pas. Mais non, mais je... Non, ouais, on n'est jamais déçu, hein, quand non, tu t'attends à rien. Tout peut arriver. Et toi, ce travail-là, utiliserez ça pour susciter quelque chose? La discussion? Oui, ben bien sûr. C'est pour, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu pour faire réfléchir des gens et puis aussi, enfin, honorer les gens qui se battent pour que ce monde change un peu, quoi. C'est, ouais. Parce qu'on est dans, enfin, on est quand même dans un moment qui est tragique. Mm. Il faut surtout pas déprimer, mais il faut rendre compte là. Il faut s'en rendre compte. Il faut peut-être essayer de ralentir un peu les choses, même si plein de gens disent que c'est trop tard. C'est bord de l'air. Maintenant, il s'agit quand même de voir comment on va vivre, quoi. Oui, mais déjà là, d'en discuter, c'est de se remettre en question. Il faut le poser. En même temps, dans nos milieux un peu artistiques, intellectuels, les gens en général sont déjà alertés. Aussi dans le travail que j'essaie de faire, j'essaie aussi d'élargir les publics que j'invite. Donc, d'amener des militants, ça draine d'autres gens que le milieu intellectuel ou artistique habituel. Est-ce que tu vois les gens qui peuvent arriver à te suivre un peu partout dans ton cheminement artistique? Il y a des gens qui me suivent depuis des années. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des commandes? Ah, ils ont pris un but. Est-ce que j'ai des commandes? Ben là, c'est une commande. Ouais. C'est un travail que j'ai fait, mais je suis invitée à le présenter. On me demande de le présenter. Mais est-ce qu'il y a des sujets qu'on te demande de toucher? Non. Non. Et c'est toi qui dois aller au sujet ou c'est le sujet qui doit aller vers toi? C'est les deux. Oui. C'est les deux, oui. C'est surtout les gens que tu rencontres qui te réfèrent un peu. Ouais. C'est les expériences que je traverse. Quand je pars en Pologne, en Slovaquie, quand je voyage, dans ma vie aussi, du chemin que je traverse, des moments difficiles, des moments faciles, comment je m'enrichis de ça et comment je peux le remettre sur la table pour proposer des choses. Ouais. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir vers où ça nous amène. Si tu étais un liquide? De l'eau. De l'eau? Ouais. De l'eau d'une rivière ou de l'eau du robinet? De l'eau de la montagne, fraîche. Quand on a chaud, là, je pense qu'à ça, à boire de l'eau fraîche. Et surtout à se baigner dans cette eau. Oui, aussi. Si tu étais une ville? Santa Cruz, là. Je suis allée à Santa Cruz l'année dernière, quand j'étais en Californie. C'est ton fan club. Bon, alors j'imagine que la France a marqué. Mais trouves-tu ça inquiétant, ce genre de sport-là, que tout le monde... Non, je déteste. Moi aussi. C'est pour ça que je suis surprise que tu choisisses ça. Ouais, que ce soit ici ou n'importe où. Oui, c'est partout. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai traversé la ville, là, Paris. Il y a zéro voiture dans les rues. Tout le monde est devant le match. C'est fou. On entend le match. C'est fou. Si tu étais une ville, donc... Moi, je te disais Santa Cruz parce que c'est la... C'est une ville où je suis allée l'année dernière avec des amis qui y vivent, qui m'ont un peu montré la ville de leur point de vue. Et c'est une ville qui est vraiment agréable. Après, j'y ai pas vécu. C'est la ville qui me fait fantasmer en ce moment. Mais peut-être que demain, ça sera une autre. Tu vois, ce que tu dis aujourd'hui... Mais ce qui est bien, c'est que tu ne l'as pas vu en touriste. Tu l'as vu par avec des gens amis. Ça aide. Mm-hmm. Si tu étais une langue... Si j'étais une langue, j'aimerais être une langue un peu inaccessible. Ça serait plutôt mon copain est basque, il parle basque et pour moi, c'est vraiment une langue que j'aimerais apprendre. Et c'est une langue, on ne sait pas d'où elle vient, elle est unique, elle est étrange. Il y a très peu de gens qui la parlent et elle est très dure à apprendre. Donc, alors c'est une langue à découvrir. Oui. Est-ce que si tu étais une époque, si j'étais une époque, les années 50 ou 60. Pourquoi? Parce que je pense que il y avait, c'était un moment où on pensait qu'on allait vivre dans un monde merveilleux. Ouais. Voilà. Et c'est un moment où il y a eu énormément de choses qui se sont créées, où il y avait une guerre qui était derrière, tout était possible. Il y avait des barrières qui tombaient, le féminisme qui est arrivé, voilà, non, c'est vraiment les années que j'aurais aimé vivre. Et si tu étais un mot? Si j'étais un mot, je serais un mot doux. Un mot doux. Doux. Ouais. Doux. Peut-être doux. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment, ça serait un aliment sans viande. Ok, t'es végétarienne. Je suis végétarienne depuis un an et demi maintenant. Ok. Voilà. Alors tu serais. Je serais une carotte. Nous avons un magasin sur la rue Saint-Jean. Ah oui. La Carotte Joyeuse. Ah super. Ben oui, c'est une boutique végétarienne ou bio. D'accord. La Carotte Joyeuse. D'accord. Si tu étais une saison. Le printemps. Oh, tu te rends compte là? Je sais pas. Je serais, si j'étais une saison, le printemps qui arrive doucement avec des fleurs qui éclosent et voilà. Le printemps parce que c'est... Parce qu'il fait pas trop chaud et pas trop froid. Oui, mais l'hiver est passé aussi, le tout recommence, hein, c'est l'adolescence. Oui, Non, c'est trop facile. Hein, Je sais pas, c'est juste une question de température, je crois. Si tu... Oui, ça fait du bien. Si tu étais un membre corporel? Un membre du corps? Ouais. Le bras. Ouais. Le côté humaniste. Pourquoi? Pour écrire, pour serrer les mains. Oui, non, pour pouvoir toucher, je pense. Si tu étais un moment de la journée. Le matin. J'adore le matin. C'est plus frais? Ouais. Je suis beaucoup mieux le matin que le soir. Puis on se réveille, donc on a le cerveau plus électrisé. Oui, on est bien le matin. Est-ce que tu travailles beaucoup le matin? Je travaille le matin. Moi, je suis quelqu'un du matin et je... Alors, je peux pousser jusqu'à 16 heures, mais après, c'est plus la peine. Mon cerveau marche plus. Par contre, le matin, je suis à fond. Est-ce que tu rêves beaucoup? Oui. Est-ce que tu mets à exécution tes rêves? Est-ce que tu rédiges? Non. Non. Mais par contre, je les raconte des fois à des gens et c'est très étrange. Des fois, ça me fait peur, les rêves que je fais. Ouais. Tu étais un autre individu? Je serais un homme, pour commencer. Pour expérimenter le fait d'être un homme, je suis assez admirative des gens qui... là, il y a toute une mouvance de gens comme Paul Preciado, qui était Béatrice Preciado et qui a pris la testostérone pour devenir un homme. Et en fait, dans une vie, ils expérimentent deux états, deux genres, et je trouve ça assez fascinant, assez vraiment intéressant. Oh, Birds fly over over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Why then, oh why can't I? Why then, oh why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Je serais un homme et tu m'as dit c'est quoi la question si tu étais ? Si tu étais un autre individu. Je serais un homme et je serais un homme de couleur, je pense. Enfin, pas blanc parce que pareil, pour vraiment être dans un autre rapport au monde. Voilà. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin ? Ouais, je ferais le même chemin, mais peut-être plus vite. Ok, moins ralentir. Je suis très lente. Ok, ah ben écoute, c'est un avantage aussi. Ah, peut-être, c'est vrai. Non, toi, pour toi, c'est ça nuit. Des fois... J'aurais pu arrêter avant. Ok. As-tu beaucoup de projets ou si tu essaies de rendre à terme certains projets pour en continuer d'autres, es-tu du genre à te multiplier? Oui, je suis du genre. Oui, je suis du genre à me multiplier, à me perdre des fois, à faire trop de choses. Là, je suis assez focus sur mes projets en ce moment. Est-ce que tu arrives un peu à en vivre de ce travail-là? Alors, ça dépend des moments. Il y a eu des longues périodes dans ma vie où j'arrivais à en vivre et j'ai eu des périodes creuses. Voilà, ça vient. Ouais. Non, quand tu es artiste, c'est un peu c'est complexe, ouais. Hein, ces questions, parce que des fois tu vis très bien et des fois c'est la dèche. Surtout quand c'est underground. Surtout quand c'est underground. Oui, ouais. Mais toi, dans ton travail, vois-tu une certaine ouverture, un processus là, de cheminement qui se déroule bien? Oui. Non, c'est des questions aussi de de parcours, voilà, on peut être aussi l'auteur de sa vie, quoi. Ah oui, et surtout. C'est, donc, oui, oui, ça se passe plutôt pas mal. Enfin, je suis pas déçue. Je suis pas déçue de ma vie, quoi. C'est, non, je rencontre des gens incroyables. Là, tu vois, la formation que j'ai faite cette année, c'est totalement improbable que je fasse Sciences Po maintenant, quoi. Ça fait combien d'années? De quoi? Ben, pour avoir terminé ton... Mon master, ouais, là, ouais. C'était en un an. Ok. C'est un master en un an. Ok. Et tu l'as suivi en faisant d'autres choses parallèlement à ça? Non, là, okay. J'ai fait que ça. Okay. Donc, de toute façon, je pouvais... Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Pourquoi tu voulais avoir un master? Ce master qui s'appelle Air et politique, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Il existe depuis 7 ans et dès qu'il est apparu, ça m'intéressait. Alors, au début, je ne me sentais pas prête, pas assez mature pour pouvoir présenter ma candidature. Après, j'étais hyper occupée. Et il y a 2 ans, j'ai fait un dossier. Je l'ai posé, j'ai été prise, donc je l'ai intégrée en septembre, là. Ah, c'est un travail où tu dois poser ta candidature oui. Et... Oh, oui, oui, oui, tu poses ta candidature et il y a choisir, une sélection. Choisir, c'est très contingenté. Oui, oui, tu peux pas y rentrer comme ça. Ah, alors déjà, c'est un plaisir d'être choisi. Ah oui, ben, c'est déjà hyper joyeux. C'est valorisant. D'être, oui, oui, c'est très valorisant. Et qu'est-ce que tu as appris durant cette année-là? Mais en fait, j'avais des enseignants assez extraordinaires, comme Bruno Latour, qui oui. est philosophe, oui. Frédéric Aitouati qui est metteuse en scène, comme Emmanuel Ecosia qui a écrit un livre qui s'appelle La vie des plantes, donc comme il y a des gens qui avaient quand même... Grégory Quenet aussi, c'est des gens qui sont vraiment sur des questionnements aujourd'hui, sur comment on va vivre avec toutes les questions environnementales, avec le climat, les questions écologiques, et comment quand on est artiste on met en œuvre des choses pour parler de ces questions. Voilà. Alors, c'est des professeurs qui t'ont enrichi, qui t'ont apporté beaucoup. Énormément. J'ai énormément appris, oui. Sans doute que tu vas avoir un suivi avec certains... Oui, j'espère, oui. Oui, oui, bien sûr. Avec certains étudiants aussi. Ces professeurs-là étaient-ils surpris de voir des étudiants aussi alertes, aussi... ouvert sur ces questions-là? Ben, en fait, les gens qui postulent à SCIP, en général, c'est des questionnements qui les intéressent. S'attendre un peu à avoir des étudiants aussi allumés et aussi ouverts sur des sujets... Oui. Après, ils n'en sont pas forcément. Hein. Ouais. Mais oui, a priori, oui. Ah, mais écoute, merci d'avoir accepté l'invitation ici, maintenant, pendant... Oui, oui. Pendant un match, on ne sait pas lequel. Ouais, on imagine qu'il y a la France dedans, mais... Oui, exactement. Et c'était audacieux. Et je trouve que ça va très bien avec un peu le travail que tu proposes. D'accord. Donc, pourquoi pas. Okay, merci okay. d'être venu, merci d'avoir accepté. Prie. Et est-ce que je peux prendre quelques photos? Parce que lorsque l'émission sera présentée, je vais aussi placer ça sur mon Facebook. D'accord. Histoire de savoir avec qui je parlais. OK. Oui, oui, je peux? Oui, bien sûr. Okay, merci. Ah, il est quand même sage parce que le mien, il n'aurait jamais réagi comme ça. Hein? Ah oui, il est sage. Non, mais moi, c'est un terrier, un Yorkshire. Ah oui, d'accord. Donc, c'est... Ouais, c'est... Ça a besoin de s'exprimer, hein? Alors, c'est avec moi, les photos. OK? Ah, c'est avec toi? Oui, bien d'accord. Oui. Automatique. 4-5, OK? OK. OK. Je ne sais même pas si ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Encore deux? Ouais. OK, on y va? Ouais. Dernière pour la route. Merci! Ouais, très bien, très bien. Salut aussi. Ok. Mais je ne mettrai pas celles qui ne sont pas très bonnes pour nous deux. D'accord, donc, d'accord. Je vais faire un trip à trois emplois. D'accord, d'accord. Hey, merci d'être venu. C'est puis sur je vais quelle payer. Radio? C'est quand? C'est quand? C'est KRL. OK. Qui est une radio communautaire. Nous sommes la première radio communautaire francophone au monde. D'accord, d'accord. On a ouvert les radios libres ici à Paris, les La Fesse et tout ce monde-là. Ouais, ouais. Les Super Nanas, je ne sais pas si ouais, tu connais, ouais, ouais, je me rappelle. Oui, Carbone ouais, ouais. 14. Bien sûr. Ouais. Ah, ben, ça vient de Québec. C'est d'accord. Nous qui avons monté à Paris pour défricher un peu ce genre de radio-là, ah, des radios génial. Pirates. D'accord. Et nous sommes la première. On est venu au monde en 1974, tandis que vos radios à vous, ça avait Coluche même. 80. 80, 81, ouais. 82, Radio ouais. Pirate et toutes ces choses-là. Donc, nous, en 1974, on était en pleine diffusion. Donc, on est le grand-père de ces d'accord, radios-là. D'accord, d'accord, et, d'accord, très bien. On est toujours actifs, on est de plus en plus forts et je viens à Paris faire des rencontres radiophoniques. D'accord. Et tu en feras partie dans ma cuvée 2018-2019. D'accord. Donc, sur deux émissions, je diffuse ça. À travers ça, il va y avoir des chansons, de la musique. Et comment ça fonctionne, mon concept? C'est 50 à 60 minutes d'improvisation. Mon improvisation, moi, c'est sur l'absurde. D'accord. Et par la suite, je fais mes rencontres parisiennes. Donc, il y a peut-être 30 minutes deux fois qui seront dans deux semaines différentes. D'accord. Et puis, je plaque aussi parce qu'il faut placer de la musique, sinon ouais. les gens bon, seront perdus. Et donc, ça fait un amalgame, ça fait une émission éclatée et hors norme. D'accord, d'accord. Donc, ça existe depuis, mon émission existe depuis 14 ans. D'accord, d'accord. Donc, tu vas faire partie de ma cuvée 2019. C'est super. Bien. Merci d'avoir accepté, j'étais pas certain que tu serais ici. Ben, je suis là trois jours, donc... OK, t'es pas de Paris. J'étais à Paris cette année, okay. mais là, ça y est, je suis repartie à Bordeaux. Ah oui, OK, parce que c'est une ville plus ouverte pour toi. C'est plus dans mes moyens, on va dire. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout qu'à Bordeaux, on dirait qu'il y a beaucoup d'effervescence. Oui, c'est simple. Non, mais c'est surtout agréable, comme dit. C'est très agréable. C'est plus petit, c'est comme Québec, un peu Bordeaux. C'est ça. C'est très étudiant, hein? Oui, c'est très étudiant. Oui. Je suis allée à Bordeaux en 89. Ah oui, ça fait un bail. Oui, oui, ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ça a beaucoup changé. Hein. Ah oui, OK. Pour le mieux? C'est devenu une ville normalisée, quoi. Très touristique. Pas pour le mieux. Voilà, tu vois. Un signe de la main, un sourire, un parfum, une silhouette dans le lointain, hier et si loin. Les oiseaux que rien n'arrête chantent à tue-tête. Le soleil qui revient alors que c'est déjà demain. Déjà demain. Hier est si loin. Les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tant de promesses par ce temps de chien pour déborder les rivières depuis ce matin. À l'ombre de moi-même, je ne vois plus rien. Je n'entends plus tes je t'aime. Garde-les pour un autre quelqu'un. Déjà demain, hier est si loin. Les jours qui vont et qui viennent ont tous une fin. Tu m'entourais de petits riens, ils illuminaient mon chemin. Des grains de lumière, aujourd'hui éteints. Une silhouette dans la nuit, le temps qui s'enfuit, et le jour se lève en emportant mes rêves. Déjà demain, c'est déjà demain, tous les rêves ont une fin, hier est si loin. Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Tant de ciel, un seul oiseau dedans. un oiseau rare, évidemment. Je me demande en l'attendant quand il va se poser un moment au fond de mon soleil couchant. L'oiseau rare qui survole mes nuages blancs. Il chante l'oiseau rare au-dessus de l'océan le soir. Pour les voiliers, pour les dauphins, une chanson belle comme un vieux chagrin. Tant de ciel, un seul oiseau dedans, un oiseau rare, évidemment. Je me demande en l'attendant quand il va se poser un moment au fond de mon soleil couchant. Viendrait-il se poser vers moi? Tant de ciel, un seul oiseau dedans, un oiseau rare, évidemment. Je me demande viendrait-il se poser vers moi? Je crois que c'est assez sympa, Rennes. Oui, non? Mais ouais. C'est très, très étudiant. Oui. C'est, Lorsque je me suis présenté en 89, c'était vraiment super intéressant. Il y avait beaucoup de création, il y avait beaucoup de théâtre, c'était des étudiants qui s'exprimaient, il y avait beaucoup d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu. Là. Il y a des villes qui sont un peu plus tristes avec les années. Ça dépend si on l'a bourgeoisé ou... Voilà. Ben, c'est un peu ça. Bordeaux, ça c'est vraiment... Ah, puis surtout que c'est moins cher. Ouais. Ouais. Oui, c'est plus agréable à vivre. C'est plus humaniste. Merci. Alors, si tu étais à choisir, est-ce que tu prends le même chemin? Oui, mais plus rapidement. Oui. Des fois, je me dis, voilà, ça, j'aurais pu l'éviter, quoi. Voilà, ou ça, j'aurais pu arrêter avant. OK. As-tu beaucoup de projets ou si tu essaies de rendre à terme certains projets pour en continuer d'autres? Es-tu du genre à te multiplier? Oui, je suis du genre... Oui, je suis du genre à me multiplier, à me perdre, ou des fois à faire trop de choses. Là, je suis assez focus sur mes projets en ce moment. Est-ce que tu arrives un peu à en vivre de ce travail-là? Alors, ça dépend des moments. Il y a eu des longues périodes dans ma vie où j'arrivais à en vivre et j'ai eu des périodes creuses. Voilà, ça vient. Ouais. Non, c'est, quand tu es artiste, c'est un peu c'est complexe, ouais. Hein, ces questions, parce que des fois tu vis très bien et des fois c'est la dèche. Surtout quand c'est underground. Surtout quand c'est underground. Oui, ouais. Mais toi, dans ton travail, vois-tu une certaine ouverture, un processus là, de cheminement qui se déroule bien? Oui. Non, mais c'est des questions aussi de parcours. Voilà, on peut être aussi l'auteur de sa vie, quoi. Ah oui, et surtout. Oui, ça se passe plutôt pas mal. Enfin, je suis pas déçue. Non. Je suis pas déçue de ma vie, quoi. Non, je rencontre des gens incroyables. Là, tu vois, la formation que j'ai faite cette année, c'est totalement improbable que je fasse Sciences Po maintenant, quoi. Ça fait combien d'années? De quoi? Ben, pour avoir terminé ton... Mon master, ouais. C'était en un an. Okay. C'est un master en un an. Okay.

رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعلت نجمة والعباد الغافلين قبلك وقبلي desperation. He don't see salvation. No guidance or no nation. But we all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the power see abdication. Run, hey, Sadiq gonna come. Lord, Sadiq gonna come. Anasida, Anasida, Anasida. See that man down. See that man sitting in front of the doing star. He can't walk no more. He just too damn poor. But see that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. All of his hopes have been undone. But we all working for the means to the end of our situation. See that man. next guy you gotta check out is in the back of the room. On the keys, if you please, give a hand for Mr. Devin Greenwood on organ. Seek that, seek that, seek that. Seek that, my we'll be right back.